Nous avons ici un bocal qui contient des cerises fermentées. Nous avons fait une expérimentation au mois de juillet cette année pour essayer de créer de l'encre donc à partir de cerises fermentées.